Exercice 5, page 92. A. Il fait trop chaud. B. Il vole trop haut. C. Prends des concombres. D. Je suis tonton. E. Est-ce qu'ils ont chaud? F. Est-ce qu'ils ont le rôle? G. C'est un beau blond. H. C'est la Joconde.